a qui disent que je fais le capot. Normal, ils arrivent pas à suivre, j'ai plus de 500 chevaux sous le capot. Ce qu'ils ont dit, ça m'a pas plu, mais quand même, je leur tire mon chapeau. Avant, y'avait pas tout ça, normal, j'avais rien dans ma poche. Ils m'ont trahi, j'étais pas prêt. Ils me critiquent, c'est pas vrai. Ils veulent que je sois cool après. Dans moi, il reste trop plein nacré. Y'en a qui m'ont plus appelé. On dirait qu'on a pu s'en m'appeler, ben motherfuck, ouais, toi et ta clique. Mais si tu veux mon cœur, elle est dans mes couilles la clé. Elle est dans mes couilles la clé. J'ai vu des choses horribles, impressionnantes, oh oh. Bro, y'a ce qu'il faut dans la gomme, mais on fait pas les gros, oh. Un sang barbarie, cheveux grisonnants, oh oh. J'ai des gouttes dans le dos. Y'en a qui disent que je suis dans ma bulle, y'en a qui disent que je fais le capot. Normal, ils arrivent pas à suivre, j'ai plus de 500 chevaux sous le capot. Ce qu'ils ont dit, ça m'a pas plu, mais quand même, je leur tire mon chapeau. Avant, y'avait pas tout ça, normal, j'avais rien dans ma poche. Tu souris toujours comme si t'avais fait le million dans l'heure. Toi, t'es pas trop discret, je t'avoue, les filles comme toi, j'appelle plus amateur. Hein, c'est des voyous dans leur story, maman. Qui va les aider en dol, maman? J'suis toujours le même, moi, oh oui, maman. J'suis pas de ceux qui jouent un rôle, maman. Vivite, sors-moi un peu. Passe-moi le briquet, j'suis le 22. Personne nous invite, on sort à deux. Eux, c'est qui me font les mafieux. Y'en a qui disent que j'suis dans ma bulle, y'en a qui disent que j'fais le capot. Normal, ils arrivent pas à suivre, j'ai plus de 500 chevaux sous le capot. Ce qu'ils ont dit, ça m'a pas plu, mais quand même, j'leur tire mon chapeau.